Buenas tardes. Agradeciendo su presencia aquí en uno de los eventos más de la Biblioteca Social de Construir, les damos las gracias por estar aquí. Es un evento más. Ya el ponente había estado anteriormente y había gustado mucho, y por esta razón lo volvimos a invitar, Jean-Pierre, y Claudio Bertani, que va a ser el traductor del francés. Los invitamos a que los próximos eventos de la biblioteca estén atentos. Va a haber más. En abril está la conferencia de encuentro de estudios de autismo de América del Norte, del 28 al 30 de abril. Que estén atentos. Bueno, pues si quieren, comenzamos. Es que ya di, Il a remercié tout le monde pour être venu et ensuite il a annoncé qu'à l'avril il y aura une conférence. D'accord. Oui, ben, par rapport à la dernière fois, mais alors je ne sais pas qui était là ou pas la dernière fois, je pense que j'ai essayé de faire plus court de façon à ce qu'il y ait plus de questions et de réponses. En relación a la vez anterior, pero no queda claro, no se recuerda quién de ustedes estaba y quién no, pero va a intentar ser un poco más breve para darle lugar a un debate. Alors, on avait parlé du mouvement anarchiste lié à la situation sociale à l'heure actuelle. Habíamos hablado del movimiento anarquista en relación con la situación actual. Et là, je vais plutôt parler du mouvement anarchiste à la veille de 68. Y ahora, en cambio, voy a hablar más bien del movimiento anarquista un poco antes del 68. Alors, on peut pas parler seulement du mouvement anarchiste, il faut parler globalement de l'émergence d'une nouvelle jeunesse révolutionnaire dans les années 65. Sí, no podemos hablar únicamente de un movimiento anarquista, sino que debemos hablar a partir de 1965 de un despertar de una nueva juventud revolucionaria. Ça concerne également des gens qui se situaient plutôt dans la tendance marxiste. Tiene que ver en realidad más bien con gente que se ubicaba en la tendencia marxista. Alors, il faut préciser un point sur la France de l'époque. Hay que aclarar un punto acerca de la Francia de la época. C'est le pays où le Parti communiste, qui est très fort. Es el país en donde el Partido Comunista, que es muy fuerte. 25% des voix. 25% de votos. Et en même temps le plus stalinien. Es al mismo tiempo el más estalinista d'Europe. D'Europe. El español también. Oui, mais l'Espagne était franquiste et sous la. C'est autre chose. Ce qui fait que un jeune, les mouvements critiques du stalinisme ou du parti communiste, lo cual hace que los movimientos críticos del Partido Comunista Stalinista étaient obligés de se situer en dehors, structurellement en dehors du parti. Tenían a fuerza que ubicarse fuera del partido. Parce que, alors qu'en Italie, le parti communiste avait une tradition un peu critique. Mientras que en Italia, por ejemplo, el Partido Comunista tenía una tendencia, una tradición un poco más crítica. C'était pas possible, il fallait être en dehors. Donc il y avait une autonomie de ces groupes. En Francia eso no era posible, había que estar afuera y por tanto había cierta autonomía. Et c'est un des éléments qui a fait que on pu se constituer une mouvance révolutionnaire jeune. Y esto hizo que se haya podido constituir un mouvance, ¿cómo lo traduces tú? Un ambiente crítico dans lequel pouvait participer et avec, disons, les différentes familles anarchistes. En el cual podían participar también las diferentes tendencias anarquistas. Dans le mouvement anarchiste, il y avait une montée de nouveaux jeunes anarchistes En el movimiento anarquista había una nueva generación de jóvenes anarquistas qui ne se trouvaient pas à l'aise dans l'organisation ou les organisations traditionnelles. Que no se sentían a gusto en las organizaciones tradicionales anarquistas. C'était vrai du mouvement anarchiste, des jeunes anarchistes strictement français. Esto era cierto con respecto a los jóvenes anarquistas específicamente franceses. Par rapport à la vieille fédération anarchiste. En relación con la vieja federación anarquista. C'était vrai aussi des jeunes espagnols en exil. Era también verdad con respecto a los jóvenes españoles que estaban exiliados en France. Par rapport à la CNT. Con relación a la CNT. Qui avait participé au gouvernement. Que había participado en el gobierno en 1936. Et donc ces jeunes espagnols qui étaient regroupés dans la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires, la FIJL. De manera que esos jóvenes anarquistas españoles que estaban organizados en la Federación de las Juventudes Libertarias ont joué un rôle de mise en rapport. Jugaron una función de relacionar de différents groupes qui venaient de se constituer dans différents pays d'Europe. De relacionar entre sí diferentes grupos que estaban se estaban constituyendo en diferentes países europeos. Par exemple, parce que les jeunes libertaires en exil, on en trouvait dans tous les pays d'Europe, forcément après l'exil de Francis. Porque había jóvenes libertarios españoles en todos los países europeos a causa de la dictadura franquista. Si bien que en 66 et 67, sin embargo, en 66-67, se sont organisées des rencontres européennes des jeunes anarchistes. Se organizaron encuentros europeos sin embargo. Se organizaron en 66-67 encuentros europeos de jóvenes anarquistas. Et on trouvait dedans des jeunes italiens. Había jóvenes italianos. Du nouveau mouvement italien, on peut dire. Del nuevo movimiento italiano. Des jeunes hollandais. Jóvenes holandeses. Qui seront les provos, ce qu'on appelait. Que serán los provos. Les provos hollandais. Des jeunes allemands et anglais. Alemanes e ingleses. Et en France, un regroupement qui s'appelait le comité de liaison des jeunes anarchistes. Et en France, un nouveau groupe qui se llamaba el comité de relación de los jóvenes anarquistas. Et donc, pour reparler un peu de la situation en France, il existait également, à l'intérieur de ces jeunes anarchistes, une nouvelle petite organisation qui s'appelait Liaison des étudiants anarchistes. Y entonces, para hablar concretamente del caso francés, había una organización que se llamaba Liaison des étudiants anarchistes. No, liaison, que se pone en unión. Unión de organizaciones de los jóvenes anarquistas. Alors, toute cette ambiance-là va jouer un rôle dans la naissance des événements de mai 68. Toda esta situación jugará una función importante en el nacimiento del movimiento del 68. Pour reparler du contexte de politique de l'époque. Para volver a hablar del contexto político de la época. Il faut signaler, je l'avais fait la dernière fois, qu'il y a deux choses importantes qui s'étaient passées dans les décennies avant. Hay que señalar dos cuestiones importantes que ya había señalado la vez anterior que acontecieron en las dos décadas anteriores. C'est d'un côté les luttes anticolonialistes en France, hein, l'Indochine et l'Algérie. Por un lado, las luchas anticolonialistas en Francia, acerca de la situación en Indochina y en Argelia. Et la révolte hongroise de 1956. Y la revuelta de Hungría de 1956. Qui a balayé les dernières illusions qui pouvait exister vis-à-vis des partis communistes ou du stalinisme. Que quitó las últimas ilusiones que podían existir sobre los partidos comunistas stalinistas. Et surtout qui a réactualisé, remis au premier plan. Y especialmente que, porque puso en primer lugar la noción y la realidad de conseil ouvrier. La noción y la realidad de consejos obreros. Ça veut dire que les deux partis dont je parlais tout à l'heure, dissidents marxistes et nouveau mouvement anarchiste, lo cual significa que las dos digamos corrientes de la que se hablaba hace rato, los disidentes marxistas y los jóvenes anarquistas, des groupes comme socialisme ou barbarie, grupos como socialismo o barbarie, comme pouvoir ouvrier, como poder operario, comme information correspondance ouvrière, información y correspondencias obreras, comme les jeunes anarchistes dont j'ai parlé tout à l'heure, como los jóvenes anarquistas, ont redécouvert par exemple Pankouk, Anton Pankouk, volvieron a descubrir por ejemplo a Anton Pankouk, c'est-à-dire le théoricien d'avant la première guerre, d'avant la deuxième guerre mondiale. Es decir, el teórico de antes de la Segunda Guerra Mundial de los consejos obreros. Qui théorisait les conseils ouvriers. Et on peut dire, et alors là c'est par rapport à, mais on a beaucoup dit par exemple, on posait beaucoup la question aux étudiants en mai 68, aux étudiants politisés. Se le preguntaba mucho a los estudiantes politizados en la situación anterior al 68. Si, alors vous avez lu Marcuse. Ah, ¿leyeron ustedes a Marcuse? Parce que l'idée sur mai 68 de l'idéologie, c'était que tout ça venait de Marcuse. Porque la ideología dominante presentaba los hechos del 68 como que procedían de las teorizaciones de Marcuse. Et je peux dire que très peu d'étudiants, personne n'avait lu Marcuse. Y puedo decir que nadie había leído a Marcuse. Par contre, beaucoup avaient lu les conseils ouvriers de Pankouk. En cambio, muchos habían leído el libro sobre los consejos obreros de Pankouk. Et la critique du stalinisme et sur la révolution sexuelle avait lu Reich. Y muchos habían leído a Reich de la revolución sexual. Et Reich et Pankouk étaient beaucoup plus lus dans les mouvances marxiste critique et anarchiste. Pankouk y Reich eran mucho más leídos en los ambientes marxistas críticos y anarquistas que l'école de Francfort ou que ce qui était supposé être nos maîtres. Ajá, que la escuela de Francfort y todos esos que supuestamente eran nuestros maestros. Et donc, ce qui est remis à l'ordre du jour dans ces mouvances-là, juste avant 68. Et entonces, todo lo que se vuelve a poner en discusión justo antes del 68. À la lueur de l'effondrement de ce qu'est devenu le stalinisme, de ce qu'est devenu le marxisme-léninisme. À partir de lo que había sucedido con el partido comunista y el stalinismo. Et de la nécessité de la lutte contre le capitalisme. Et de l'autre lado, la nécessité de luchar contre le capitalisme. C'est de rediscuter de ce que c'est que le socialisme, le contenu du socialisme. Entonces se puso sobre la mesa la cuestión de discutir qué era el socialismo, cuál era el contenido del socialismo. Qui est d'ailleurs le titre d'un article de Castoriadis. Que es, como varios sabemos, el título de un artículo muy famoso de Castoriadis. Et alors, tout le monde cherche un peu dans le monde où on pourrait trouver des éléments embryonnaires de ce socialisme réel. Entonces, todo el mundo empezó a buscar en el mundo elementos constitutivos de lo que podría ser este mentado socialismo real. En Europe, il y a eu les conseils ouvriers en Hongrie, on l'a vu en 56. Sí, en Europa está la experiencia de los consejos obreros de Hungría en el 56. En Yougoslavie, il y a un état Tito rompt plus ou moins avec Moscou et parle d'autogestion en Algérie. En Yougoslavia, Tito rompe con Moscú y empieza también a hablar de consejos obreros. Alors, même si c'est illusoire, même si ce n'avait rien à voir avec le mot d'autogestion, incluso, donc, qui est un mot qui appartient plutôt à la tradition libertaire. Incluso si esto era ilusorio, puesto que la palabra autogestión pertenece en realidad a la tradición libertaria. Ça revient sur le devant pour poser qu'est-ce que c'est que le socialisme, qu'est-ce qui pourrait être le socialisme ou le communisme ou l'anarchisme. Pero se vuelve a hablar de eso para poner sobre la mesa de qué se trata el socialismo. Et il y a aussi l'Algérie qui est indépendante depuis peu. Y también está el caso de Argelia que hace poco había logrado su independencia. Et les premières années du nouvel État algérien, le gouvernement algérien, en los primeros años Benbella, del gobierno argelino Benbella, parle aussi d'autogestion. También habla de autogestión. Ça sera comme pour le reste évidemment faux. Será como también en el caso yugoslavo falso. Mais ça apparaît comme des tentatives nouvelles de redéfinir on rediscute du futur concrètement. Pero parece una manera de volver a discutir el futuro. Et beaucoup de jeunes de 18, 20 ans, 21, 22 ans partent voir l'autogestion en Yougoslavie parce qu'il y a des camps de travail, alors pas des camps de travail dans le mauvais sens. Y muchos jóvenes de 18, 20 años van a Yugoslavia a tratar de entender de qué se trata los consejos obreros en Yugoslavia. Et aussi en Algérie. Y también en van a Argelia. Voilà, alors, ça c'est pour montrer ce qui se rediscute un petit peu. Et esto para dar una idea de lo que se estaba poniendo sobre la mesa de la discusión. Alors, maintenant je vais parler un petit peu de revenir sur le mouvement anarchiste et de ce que je connais mieux qui est la liaison des étudiants anarchistes impliqués à l'université de Nanterre et puis dans le mouvement du 22 mars qui reste le mouvement le plus connu à l'extérieur. Ahora intentaré hablar un poco de lo que conozco mejor, que es la experiencia de este grupo Liaison Anarchiste, Relaciones Anarquistas o Unión Anarquista, que luego y luego del movimiento 22 de marzo, que es el movimiento que más se conoce afuera de Francia. Alors, le mouvement du 22 mars, c'est le mouvement vraisemblablement dans l'histoire le plus court. El movimiento 22 de marzo al parecer el movimiento más corto en la sous l'appellation en tout cas. Il commence le 22 mars 68 et il se termine début juillet 68. Empieza el 22 de marzo del 68 y se disuelve a principio de julio. Et il s'arrête parce que, comme tu l'as évoqué, il se dissout lui-même. C'est un mouvement qui décide de ne plus exister en tant que tel, ce qui est rare. Il décide lui-même de autodissolverse, lo cual es raro. Alors, le mouvement du 22, pourquoi le 22 mars? Ça, c'est formel. Pourquoi le 22 de mars? Parce que le 22 mars, un camarade a été arrêté pour avoir participé à l'attaque de l'American Express. Porque ese día un compañero fue detenido por haber participado en el ataque al American Express. Et pour obtenir sa libération, il y a 150 étudiants de Nanterre qui décident d'occuper la tour administrative. Y para lograr su liberación, un grupo de 150 estudiantes de Nanterre deciden de ocupar la torre administrativa para lograr su liberación. Ça apparaît comme un phénomène assez fréquent maintenant. Esto ahora parece como algo muy común. Mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment très très nouveau. Pero en esa época era algo verdaderamente inaudito. Et ainsi, suite à beaucoup de choses qui s'étaient passées à l'université de Nanterre. De esta manera, a raíz de muchas otras cosas que sucedieron a Nanterre. Sur des discussions idéologiques. Discussiones ideológicas. Sur la liberté de circulation dans les bâtiments, entre les bâtiments des filles et des garçons à la cité universitaire. La libre circulación muchachos y muchachas en los edificios de la universidad. Es un campus, ¿no? Sur le contenu de l'enseignement. Sobre el contenido de la toute une agitation. Et après ce 22 mars, se hace toda una agitación y después del 22 de marzo Il y a le sentiment partagé entre ces 150 personnes. Existe un sentimiento común entre estas 150 personas. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui dépasse très largement la somme des petits partis politiques existants. Algo verdaderamente novedoso estaba aconteciendo que rebasaba la suma de los pequeños partidos políticos que se disputaban. Il y a deux pôles politiques importants dans le noyau des gens qui sont intervenus le 22 mars. Hay dos polos políticos importantes entre las personas que intervinieron el 22 de marzo. Les jeunes trotskistes, marxistes, trotskistes, on peut dire guevaristes également. Los jóvenes marxistas de tendencia trotskista y también guevarista. Et notre groupe de la liaison des étudiants anarchistes. Y nuestro grupo de la liaison anarchiste. Mais ça représente les deux, chacun 30 personnes. Donc c'est petit. Esos dos grupos no rebasaban las 30 personas cada uno. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a été dépassé. Plein de gens sont devenus militants très rapidement. Pero lo que sucedió es que un número enorme de personas que se volvieron militantes de un día para otro. Et ça illustrait quelque chose que à la liaison des étudiants anarchistes on avait discuté, à savoir quelque chose qu'on appelait la théorie des chapelles. Y eso tiene que ver con lo que en el grupo liaison anarchiste se había llamado teoría de las capillas, qui considérait, pour être très simple, que un jeune ou une jeune de 18, 20, 21, 22, 23 ans, que considera que un joven de 18, 20, 22 años, qui se reconnaissait dans une mouvance contestataire de révolte et que se reconocía en una dimensión contestataria de revuelta, rentrait dans telle ou telle fraction, dans tel ou tel petit parti, entraba en tal o tal otra fracción o pequeño partido, beaucoup par hasard, absolutamente por casualidad, selon qui il avait à côté de lui, a partir de la persona que estaba a su lado, ou un petit groupe qui était plus actif à cet endroit-là, o un grupo que era más activo en ese lugar particular donde estaba. Et que c'est après que pouvaient se former les idées plus précises par la discussion et d'une adhésion plus rationnelle à tel ou tel groupe. Et que solo después se podía empezar una discusión más racional acerca de las tendencias de tal o tal otro grupo. Et que donc il était important d'agir pour que se crée cette espèce de d'ébullition globale révolutionnaire qui permette a beaucoup plus de gens d'y entrer. Entonces había que trabajar para que este fermento revolucionario permitiera que más gente se involucrara. Alors, ce mouvement du 22 mars, ese movimiento del 22 de marzo, n'a jamais représenté à l'université de Nanterre la majorité des étudiants. Nunca representó a Nanterre la mayoría de los estudiantes. Une base d'analyse que nous faisions était que aucun mouvement révolutionnaire ne pouvait être majoritaire en Mali étudiant. Una de las análisis principales que hacíamos era que ningún movimiento revolucionario podía ser mayoritario. Et donc pour nous ça représentait une rupture avec le syndicalisme. Et entonces eso para nosotros representaba una ruptura con el sindicalismo. Le syndicalisme étant censé pouvoir représenter tous les gens qui ont les mêmes intérêts sur des bases de classe. Si consideramos que el sindicalismo supuestamente representa cierto número de personas que comparten intereses de clase. Et que donc le milieu étudiant était traversé de contradictions de classe lui aussi. Et que el medio estudiantil se encontraba atravesado por contradicciones de clase el mismo. Et le mouvement du 22 mars qui fonctionnait en assemblée générale, el movimiento del 22 de marzo que funcionaba a partir de asambleas generales, de grandes assemblées générales d'environ 1000 étudiants, grandes asambleas de alrededor de 1000 estudiantes, Donc un fonctionnement relativement assembléiste et assembléaire. De manière que tenait une manière de fonctionner relativement assembléiste. Mais dans une université qui comptait 10 000 étudiants. Pero en una universidad donde había 10.000 estudiantes. Et donc avec un accord d'une partie des 9.000 autres, une passivité d'une autre partie, une franche hostilité d'une partie non négligeable non plus. De manière que une partie de esos tenían un acuerdo, otros eran ausentistas, no les importaba nada, y otra parte estaba claramente en contra. Alors, pour résumer, les bases politiques de ce mouvement du 22 mars. Para resumir las bases políticas de este movimiento del 22 de marzo. C'était outre le fait qu'il fallait pas chercher à être majoritaire, contrairement aux pratiques syndicales habituelles. Además que no había que intentar ser mayoría, contrariamente a lo que plantean las teorías sindicalistas. Ce qui écartait les revendications corporatistes. Lo cual hacía a un lado las reivindicaciones corporativas. Qui elles concernent tous les étudiants. Que es así tenía que ver con todos los estudiantes. Outre ça, il y avait la critique de l'université de classe. Además de eso había la crítica de la universidad de clase. C'est-à-dire la critique du contenu même de l'enseignement. O sea, la crítica del contenido mismo. Et pas seulement de l'enseñanza. Ouais. La critique du contenu des cours, la critique du contenu de l'idéologie qui était dominante et en particulier. La crítica la crítica de los contenidos de los cursos y la crítica de la ideología dominante. En particulier dans des disciplines comme évidemment la sociologie, la psychologie. En particular, eso pasaba en disciplinas como la sociología y la psicología. Ou l'histoire. O la historia. Un peu moins dans les langues, évidemment. Si un poco menos en lenguas extranjeras. Par exemple, en sociologie, les choses à la mode, c'était la sociologie qui venait de la sociologie américaine, c'est-à-dire la découverte des petits groupes, de la dynamique de groupe. Por ejemplo, en el caso de la sociología, lo que estaba de moda eran las teorías norteamericanas acerca de las dinámicas de los pequeños grupos. Qui était présenté comme quelque chose de libérateur, de moderne. Que eran presentadas como algo de liberador, moderno. Mais qui, en fait, aux États-Unis, servait la mise en place des nouvelles structures de domination et d'organisation du travail aux États-Unis. En réalité, en los Estados Unidos servía para instrumentar la nueva organización del trabajo ahí mismo. Et donc cette critique de l'université, elle s'exprimait à l'intérieur même des petits groupes de travail. Entonces, esa crítica de la universidad se expresaba à l'intérieur même de los pequeños grupos de trabajo. Dans la vie quotidienne universitaire de tous les jours. En la vida cotidiana de la universidad de todos los días. Et pas seulement dans des grands meetings théoriques. Y no solamente en grandes mítines políticos. C'est ainsi que nous on a participé par exemple à un texte qui est devenu un peu connu en France qui s'appelait Pourquoi des sociologues. Es así como algunos de nosotros participamos en la redacción de un texto que luego se hizo más o menos conocido en Francia, que se llamó ¿Por qué ser sociólogos? Ça veut dire, en fait, là, on veut pas devenir ce que vous voulez qu'on devienne. En otras palabras, no queremos ser lo que ustedes quieren que seamos. Et donc la base de ça, alors la plus idéologique, c'était solidarité avec tous les mouvements de travailleurs qui pouvaient exister. Et la première expression de cette manière de ser era la solidaridad con todos los movimientos de los trabajadores que existían y podían existir. Et enfin le troisième élément constitutif de cette politique du mouvement du 22 mars. El tercer elemento constitutivo de esa política del 22 de marzo. C'était la solidarité avec. Era la solidaridad con tous les mouvements de par le monde anti-impérialistes et anticolonialistes. Con los movimientos que había en el mundo antiimperialistas y anticolonialistas. Chacun avec des préférences pour l'un, des préférences pour l'autre, des critiques à l'un, des critiques à l'autre. Cada uno con preferencias para un movimiento, críticas para otro, cada uno a su manera. Mais n'était jamais très loin l'impérialisme américain. Pero siempre se hablaba del imperialismo americano. Le Vietnam, les coloniales, l'Amérique latine, enfin bon. L'Amérique latine. Ça, et donc des actions étaient menées, comme on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre l'American Express. Sí, et entonces algunas acciones se llevaban a cabo, por ejemplo, como ya lo mencioné, en el caso de l'American Express, ¿no? Alors, dans ce mouvement du 22 mars, en ese movimiento del 22 de marzo, comme je l'ai dit, il a été très court. Como lo dije, fue muy corto. Mais il s'est permis quand même le fait d'avoir deux périodes au sein de. Pero aún así tuvo dos etapas. Une du 22 mars au 3 mai. Uno del 22 de marzo al 3 de mayo. Qui reste strictement un mouvement étudiant à la faculté de Nanterre. Que se queda como un movimiento estrictamente estudiantil en la facultad de Nanterre. Avec une base de 1 millier d'étudiants et de 300 militants. Con una base de un millar de estudiantes y de 200 o 300 militantes. Et à partir du début mai, suite à la répression des manifestations. Et à partir de principio de mayo, a raíz de la represión de las manifestaciones. Et du début des grèves de salariés. Et que coinciden con el principio de las huelgas de los asalariados. Qui va être une grève générale de près de 10 millions de grévistes pendant 5 semaines. Que será una huelga que va a devenir general y que interesa unos combien tu as dit de millions. 8 à 10 millions, ça dépend les optimistes. 8 à 10 millions de travailleurs. Et le mouvement du 22 mars va alors déménager, enfin ne plus être seulement à Nanterre mais sur Paris. Y el movimiento entonces ya se muda de Nanterre está a las afueras, oui, de París y al centro de París. Et regrouper plein d'autres gens. Y junta a muchas otras personas qui ne sont pas étudiants, que ni siquiera son estudiantes, ou étudiants d'autres facultés, o que son estudiantes de otras facultades. Et ce mouvement va représenter pendant un mois et demi. Y este movimiento representará por el lapso de un mes y medio, la expresión d'une extrême gauche radicale, libertaire, assembléiste, antistalinienne. La expresión de una extrema izquierda libertaria, antistalinista, assembléiste. Et on retrouvera à l'intérieur du mouvement du 22 de mars. Y encontraremos dentro del movimiento 22 de marzo non seulement la filiation anarchiste dont j'ai parlé tout à l'heure, non solamente la filiación anarquista que estaba presente en Nanterre, mais des militants venus de, par exemple, de socialismo barbarie, sino militantes dont j'ai parlé tout à l'heure, que por ejemplo llegaban del socialismo o barbarie, qui n'existait plus depuis 2 ans déjà, 3 ans. Que había cesado de existir, socialismo o barbarie había cesado de existir 2 años antes. Des militants d'information correspondance ouvrière. Militantes de información y correspondencia ouvrière. Des militants de la revue anarchiste dont j'ai pas encore parlé, qui s'appelait Noir et Rouge, auquel moi j'ai fait partie. Militantes de la revista anarquista Negro y Rojo, de la cual Jean-Pierre fue parte. Qui était une revue qui s'appelle De Critique Anarchiste. Que era una revista que se llamaba De Critique Anarchiste. Qui était apparue dans les années 60 et qui regroupait un petit peu et qui participait à ce dont j'ai parlé, des jeunes anarchistes et de tout que, ça. Que había aparecido unos años antes y que participaba en esas agrupaciones de jóvenes anarquistas a las cuales me refería antes. Ça fait combien de temps? J'ai aucune idée. Tu as parlé un peu plus que 20 minutes, demi-heure. On peut peut-être passer aux questions dans Sirna et faire. Et toi encore des choses à dire? J'ai fait très vite sur chaque point. Alors peut-être qu'il y ait une série de questions et que je reprenne pour. Propone que si tienen preguntas, tiene otras cosas que añadir, pero que igual sobre lo que ya dijo, si quieren podemos abrir una sesión de preguntas y luego seguir. ¿Por qué termina, no? ¿Eh? ¿Por qué termina? Él dice que es César Emilio que tú termines. Alors, sur quoi? Parce que voilà, c'est là que la dernière fois, on m'avait posé... À quoi ça a donné le 22 mars, non, par exemple? Alors, je peux continuer à parler du mouvement du 22 mars. Alors, le mouvement du 22 mars, il fonctionnait avec une assemblée générale tous les jours. Il movimiento 22 de mars fonctionnait avec une assemblée générale tous les jours. Dans une université. En una universidad. Et ça changeait suivant les occupations. Enfin, bon. Y esto cambiaba según las ocupaciones. Et le mouvement du 22 mars a eu un rôle déterminant, disons jusqu'au 20 mai. Et tuvo un papel déterminante hasta más o menos el 20 de mayo. C'est le mouvement du 22 mars qui prend l'initiative des grandes manifestations du 5 et du 13 mai. Et c'est le mouvement du 22 de mars qui toma la iniciativa de las manifestaciones del 5 y el 13 de mayo. Mais et c'est la grande manifestation du 13 mai qui débute la grande grève générale. Et c'est la manifestation, la marche del 13 de mayo. Que da pie a la huelga general. Une grève générale qui est quasiment sur place, mise en place, avant que les syndicats n'y appellent. Una huelga general que se organizó antes de que los sindicatos la convocaran. Mais le paradoxe, c'est que le mouvement du 22 mars était un mouvement qui se basait sur les médias, très médiatiques. La paradoja es que el 22 de marzo se basaba su estrategia sobre los medios. Era un movimiento muy mediático. Parce que très faible. Porque era muy, muy débil. Tous les militants, on se trouvait 200, 300 tous les soirs avec 300, 400 autres, 500 autres. Mais ça ne formait pas un groupe. Nos encontrábamos todas las noches 200, 300, a veces 400 militantes. Pero eso no formaba un grupo avec ayant la capacité matérielle et les réseaux pour convoquer à des manifestations. Con la capacidad material, appeler à la grève, de convocar a una manifestación, llamar a una huelga. On était prisonniers du bien vouloir et de la fascination que les médias avaient pour nous. Éramos prisioneros de la fascinación que ejercíamos sobre los medios de comunicación. C'était un mouvement trop jeune. Era un movimiento demasiado joven. De par sa composition, mais de par la naissance, de sa naissance. A partir de su composición y de su nacimiento. Pour qu'il ait pu construire en quelques semaines. Para que pudiera construir en unas cuantas semanas. Une forme d'organisation efficace. Una forma de organización eficaz, capable d'être autonome des médias, capaz de ser independiente de los medios. En tout cas, on n'a pas réussi. En todo caso, no lo logramos. Et du jour où les médias ont décidé que ça suffisait comme ça, y el día que los medios de comunicación decidieron que ya era suficiente, que ya basta. Sous la pression évidemment du pouvoir, des syndicats. Bajo la presión obviamente de los sindicatos oficiales y del poder. On n'avait plus de pouvoir réel. Ya no teníamos poder real. Et par exemple, alors que le mouvement du 22 mars début mai convoquait à une manifestation, il y avait au minimum 50 000 personnes. Por ejemplo, mientras que a principio de mayo, cuando el movimiento 22 de marzo convocaba a una manifestación, había por lo menos 50 mil personas. Le 18 juin, el 18 de junio, qui est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle du 18 juin de la libération de la France. Que es el aniversario del llamado de Gaulle del 18 de junio del 45, de la liberación de Francia. Et alors que le travail commençait un peu à reprendre dans les entreprises. Y mientras el trabajo se estaba volviendo a retomar en las empresas, on se dit on va faire un coup. Dijimos vamos a dar un golpe. On fait un appel du 18 juin appelant à la poursuite de la grève générale et à une grande manifestation. Hacemos un llamado del 18 de junio a la huelga general y a seguir con las marchas. Et à la manifestation, on se retrouve 300. Y a la manifestación eran 300. Et là, c'est. Elle rigole. Et là, bon, on comprend qu'il faut faire autre chose. Et 15 jours après, le mouvement du 22 mars décide de se dissoudre. Ahí entendieron que había que hacer otra cosa, y 15 días después decidieron de autodisolverse. Et les gens qui tournent, mais le 22 mars est quand même encore une puissance un peu médiatique, enfin c'est quelque chose d'important quand même dans l'air. Aún así, el 22 de marzo seguía teniendo una importancia en el ambiente, en el aire que se respiraba. Et là, on se dit, ce qu'il faut, c'est appuyer, renforcer ce qui commence un peu à se créer partout, les comités d'action. Entonces, lo que decidimos era que había que fortalecer lo que entonces se empezaba a llamar como los comités de acción. Et les militants du 22 mars décident pour leur une grande partie d'entre eux, je parlerai de l'autre partie après. Una parte de los integrantes del 22 de marzo deciden de se retrouver à la base dans les comités d'action de quartier. De integrar a la base los comités de acción de barrio. Ou d'usine pour ceux qui travaillaient dans telle usine. Con respecto a los que eran obreros. Et ces comités d'action, eux, vont avoir un impact important dans la vie politique pendant 2 ou 3 ans ensuite. Esos comités de acción tendrán un impacto importante en la vida política en los siguientes 2 o 3 años. Ils vont représenter un petit peu le sang vif, le sang neuf, le sang contestataire de la vie politique des grandes villes. Representarán de alguna manera el sentido vivo, el sentido de la protesta de las grandes ciudades. Voilà, et ça va être beaucoup plus intéressant d'une certaine manière. Y esto de alguna manera es mucho más interesante. Généralement, chaque comité d'action se dote d'un petit journal de quartier. En general, cada comité de acción se hace de un pequeño periódico de barrio. Ouais. Qui va donner ce qu'on a appelé le mouvement de contre-information. Que empezará a dar pie a lo que se va a llamar el movimiento de contrainformación. Alors, ces comités d'action, ils sont composés de militants de différentes tendances, voire de différentes petites organisations politiques. Esos comités están integrados por militantes de diferentes tendencias. Mais aussi de gens tout aussi politisés. Pero también de gente muy politizada. Et formée aussi, autant que ceux des groupes politiques. Politizada y igualmente formada que los de los grupos políticos. Mais qui ne sont pas et ne veulent pas être dans un groupe politique. Pero que no están ni quieren estar en un grupo político. Et ces comités de quartier, ces comités d'action, on les appelle. Esos comités de acción. Ils ont été à l'origine, pas globalement, pas tous ensemble, mais à l'origine de beaucoup de choses qui se sont passées dans les années suivantes. Fueron la fuente de muchas cosas que sucedieron en los años siguientes. Par exemple, évidemment, la critique de l'urbanisme, les luttes sur le logement. Por ejemplo, la crítica del urbanismo y las luchas por el derecho a la habitación, a la vivienda, perdón. Aux luttes de soutien pour le droit à l'avortement, donc au mouvement des femmes. Le droit à l'avorto. Donc au mouvement des femmes, oui. Entonces, al movimiento de las mujeres. Y avait des comités d'action qui se donnaient des luttes spécifiques, había, pas seulement de quartier. Il y avait des comités d'action qui se donnaient comme objectif des luttes spécifiques, non seulement du barrio. Par exemple, des comités d'action homosexuels. Par exemple, comités d'action homosexuels. Des comités d'action de défense des marginaux. Defensa de los marginales. Des comités d'action pas féministes, parce que ça ne s'appelait pas, de femmes, tout simplement. Comités d'action de mujeres, todavía no se hablaba de féminisme. Et tous ces, et il y avait évidemment quelques comités d'action d'entreprise. Y había evidentemente también comités de acción de fábrica. Alors, immanquablement, l'ensemble de ces comités d'action qui étaient le vif, enfin l'ébullition qui était la chose importante, suscitait des débats politiques à un plus haut niveau. Et el conjunto de esos comités de acción que eran el núcleo de los fermentos que existían suscitaba debates políticos al nivel más alto. Et là, il y a eu une coupure, un débat et une coupure entre les éléments libertaires et les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure qui étaient dans le mouvement du 22 mars, qui étaient les jeunes trotskistes, guevaristes, etc. de ce groupe avec qui on était. Hubo una ruptura entre los elementos libertarios dentro del 22 de marzo y los que integraban pequeños grupos trotskistas o guevaristas. Ce groupe trotskiste-guevariste, il est connu maintenant, c'était Alain Krivine, pour ceux qui connaissent, et maintenant, il y a eu Besancenot qui a été candidat, et maintenant c'est Philippe Poutou qui se présente à la bord. Para los que conocen, esos grupos se reconocían en la figura de Alain Krivine, que es un líder histórico del trotskismo francés, después, en tiempos más recientes, Besancenot, que fue candidato hace unos años y el actual no me lo conozco, ¿cómo se llama? Philippe Poutou. Et le débat, bon alors là c'est plus qu'un la divergence, c'était que pour les jeunes trotskistes, pour les trotskistes en général, les comités d'action devaient être l'embryon de la construction du parti. C'était comme les soviets en 1917. Évidemment que para los trotskistas, los comités de acción tenían que ser el embrión del partido, como en 1917. ¿Les suena? No, je leur demande si ça leur dit quelque chose. Et évidemment, nous, c'était les comités d'action doivent être l'embryon du pouvoir populaire de base. Y evidentemente que para nosotros, los comités de acción eran el embrión de otro tipo de poder, un poder popular de la base. Progressivement, l'histoire a tranché. Progressivamente, la historia cortó. Les comités d'action ont disparu. Los comités de acción desaparecieron. Et les trotskistes se sont retrouvés sans parti. Los trotskistas se encontraron sin partidos. Et nous, sans pouvoir populaire. Los libertarios sin movimiento popular. Mais avec l'idée de recommencer quand même, de réussir. Pero con la idea de volver a empezar. L'autre parti dont j'ai parlé tout à l'heure, là on va peut-être en terminer. L'autre parti du mouvement du 22 mars. La otra tendencia del 22 de mars. Qui ne s'est pas retrouvé dans les comités d'action. Que no se encontró en los. Que no se metió en los comités de acción. Se sont retrouvés avec des marxistes-léninistes d'autres tendances. Se metieron con marxistas-léninistas de otras tendencias, particularmente maoístas. Pour fonder ce qu'on a appelé la gauche prolétarienne. Para fundar lo que se llamó la izquierda proletaria, la gauche prolétarienne. Qui est devenue dans les années 69-70. Que se volvió en los años 70. Le groupe quand même important. El grupo importante. Dans la vie politique. En la vida política francesa. C'est un groupe qui avait fait l'analyse. Es un grupo que había hecho el análisis. Que nous étions à la veille de la guerre civile. Que estábamos en el principio de una guerra civil. En France, et que par conséquent, ce qu'il fallait préparer à un moment donné à un autre, c'était la lutte armée. Et que de conséquence, lo que había que hacer era preparar la lucha armada. Bon, heureusement, les dirigeants se sont rendus compte. Felizmente, los dirigentes se dieron cuenta que c'était de la folie dans la situation française. Que era una locura en la situación francesa. Et ont décidé eux aussi de dissoudre la gauche prolétarienne. Y decidieron ellos también de disolver la gauche prolétarienne. C'est une bonne maladie française que de dissoudre les organisations assez vite. Es una buena enfermedad francesa disolver las organizaciones bastante rápidamente. Mais cette gauche prolétarienne. Pero esa izquierda proletaria qui a été pendant deux ans à l'origine de énormément d'actions dans les usines. Fue en un lapso de unos dos años al origen de una cantidad importante de acciones en fábricas. En particulier à l'intérieur des usines contre les petits chefs, on appelle. Especialmente dentro de las fábricas contra los pequeños jefes. Dans les ateliers, dans les. Elle a été à l'origine d'actions violentes. Estuvo en el origen. Mais souvent populaires. Pero en ocasiones populares. Par exemple, une arrivée de 150 militants. Por ejemplo, la llegada de 150 militantes. Dans le grand magasin de luxe. De produits de charcuterie, de foie gras, enfin le grand magasin de Paris qu'on appelle Fauchon. Por ejemplo, la llegada de unos 150 militantes en la tienda más chic de París, de productos de muy caros, de comida de lujo, que se llama Fauchon. Qui est rasié, vidé de sacs entiers de nourriture. ¿Cómo se dice en español? Que fue saqueado. Et distribué dans les bidonvilles. Y distribuido en los suburbios. Par exemple, et ça fait plaisir. Y esto c'est populaire, les gens trouvent ça plutôt bien. La gente les gusta. Voilà, alors cette gauche prolétarienne, elle s'est elle aussi dissoute. Et après, beaucoup de ses dirigeants se sont intégrés dans l'appareil plutôt idéologique ou artistique de la France ou journalistique de la France. Sí. Les dirigeants. De manière que, al final, también, como se decía, la gauche prolétarienne se autodisolvió. Y los dirigentes se volvieron personajes importantes de la cultura mediática, periodística del país. Mais ce qui est resté de como Glucksmann, ¿no? Como esos Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, parmi ceux qui sont les plus réactionnaires maintenant. Que ahora son la gente más siniestramente reaccionaria en Francia. Soutien de tout ce qui est totalitaire, américain, sí, sostenedores de todo lo que es americano, antisocialiste, antisocialista, sioniste, enfin bon, tout ce qui est agréable. Ce qui est resté quand même de cette période et que le 22 mars a plutôt illustré que créé. Lo que queda de esta época que el 22 de marzo más bien illustró más que creó. C'est que dans toutes les années qui ont suivi, moi je dirais même les décennies et jusqu'à maintenant. Es que en los años que siguieron, yo diría las décadas y hasta ahora. Dès qu'il y a un mouvement de contestation sur un sujet quelconque. En el momento en que hay un movimiento de contestación sobre un tema cualquiera. Le mot qui revient immédiatement, c'est Assemblée Générale. La palabra que surge inmediatamente es Asamblea General. ce qui n'était pas le cas dans le vieux mouvement ouvrier d'avant-guerre. Lo cual no era el caso del viejo movimiento obrero de antes de la guerra. Et que même les partis qu'on pourrait classer comme autoritaires ou léninistes. Et que incluso los partidos que se podrían tachar de autoritarios o leninistas ont tendance à un peu écarter cette proposition léniniste de parti. Tienen la tendencia de más o menos de echar a un lado esta propuesta leninista del partido pour entrer dans l'air du temps, dans l'habillage, dans l'idéologie libertaire. Para integrarse ellos también a la ideología libertaria. Décision à la base. Decisiones. Assemblée générale. Tomadas a la base. Coordination. Assemblée générale, coordination. Et c'est important parce que le mouvement contestataire ouvrier, à partir des années 95, j'en avais parlé. Y eso es importante porque el movimiento obrero a partir de los años de 1995 del cual habló la vez pasada. Il s'est reconstitué à côté des syndicats. Se reconstituyó al lado de los sindicatos. Par la mise en place de coordination. A partir de la creación de una coordinación. De coordination par corps de métier. De varias coordinaciones par secteur de travail de production. Por sector productivo. Coordination des infirmières. Coordination de infirmeros. Coordination des cheminots. Coordination de ferrocarrileros. Coordination des paysans. Coordination de campesinos. Par exemple. Malheureusement, pour l'instant, pas encore de coordination générale. Desafortunadamente, todavía no existe una coordinación general. Et donc, ce qui a marqué le mai 68 et a imprimé quand même durablement un certain rapport au mouvement social et à la contestation et au regard. De manière que le mouvement du mai 68 imprimió une nouvelle manière de mirar les choses qui todavía dura. Je crois, oui, qui dure encore. Alors, c'est quelque chose qui a tout ça, ça a été produit par la société. Moi, je ne crois pas que les groupes politiques façonnent l'histoire. Todo eso, evidentemente, fue producido por la sociedad. Yo no creo que los grupos políticos moldean la historia. Je crois, comme Henri Simon, puisque quelqu'un m'a posé une question sur. Creo igual que Henri Simon, del cual. Que c'est la réalité de tous les jours de la lutte des classes. Que es la realidad de todos los días de la lucha de clase. La lutte des classes n'étant pas seulement les grands affrontements visibles. Et la lucha de clase no es solamente las grandes pugnas visibles. Mais la lutte de tous les jours dans l'entreprise et dans la vie quotidienne. Sino la lucha de todos los días en la empresa y en la vida cotidiana. Et c'est le degré de cette lutte des classes qui crée des événements et aussi des groupes qui peuvent porter ce discours de démocratie. Y es el nivel de este enfrentamiento que puede crear tanto los acontecimientos como los grupos que son portadores de estas ideas. Voilà. Ahora sí, preguntas.